Chapitre 8e. Quand Ethan était revenu de Worcester à la ferme, sa mère lui avait donné, pour son usage personnel, une petite pièce inhabitée attenante au parloir. Lui-même, il y avait cloué des rayons pour ses livres, construit la charpente d'un divan, étalé dessus un vieux matelas, disposé ses papiers sur une table de bois blanc et accroché au mur dénudé une gravure d'Abraham Lincoln et un calendrier des poètes. Avec ses maigres moyens, il avait cherché à se constituer un cabinet de travail, comme celui d'un pasteur de Worcester chez lequel il avait fréquenté et qui lui avait prêté des livres. C'était dans cette pièce qu'il se réfugiait encore pendant l'été, mais ayant dû donner son poil pour la chambre de Mattie lors de l'arrivée de la jeune fille à la ferme, il ne pouvait plus se tenir dans son cabinet de travail pendant l'hiver. Après la scène pénible qui venait d'avoir lieu dans la cuisine, la maison était rentrée dans le calme. Lorsque Ethan monta dans sa chambre, il entendit du lit la respiration régulière de Zina. Pour cette nuit, la discussion était donc terminée. Il redescendit et gagna sa retraite. Quand sa femme eut quitté la cuisine, Mattie et lui y étaient demeurés vis-à-vis l'un de l'autre, sans chercher à se rapprocher. La jeune fille avait achevé de ranger, et lui-même, comme tous les soirs, avait pris sa lanterne pour aller faire au dehors la ronde habituelle. Au retour, il avait trouvé la cuisine vide, mais sur la table étaient posées sa pipe et sa blague, et au-dessous, un bout de papier arraché à un catalogue de Grentier qui portait ces mots « Ne vous tourmentez pas, Ethan ». En pénétrant dans son cabinet de travail, sombre et glacé, il plaça sa lanterne sur son bureau et, penché vers la lumière, il lut et relut le petit mot de Mattie. C'était la première fois qu'elle lui écrivait, et le fait de tenir ce papier entre les mains lui procura une sensation d'intimité nouvelle. En même temps, il songea douloureusement que tel serait désormais leur unique moyen de communiquer, et son angoisse s'en accrut. À la place du sourire de Mattie et du son de sa voix, il n'aurait plus d'elle que des pages inanimées, des paroles écrites. Un instinct de rébellion grondait sourdement en lui. Il était trop jeune, trop robuste, trop bouillonnant de sève pour assister sans révolte à l'écroulement de ses espérances. Lui faudrait-il user toute sa vie à vivre auprès d'une femme maigrie et maussade? Il avait eu d'autres aspirations. Ces aspirations, il avait dû les sacrifier une à une, à l'étroitesse d'esprit et à l'ignorance de Zina. Et en fin de compte, qu'avait-il retiré de ces sacrifices? Sa femme était 100 fois plus maussade et plus acariâtre qu'au temps où il l'avait épousée. La seule joie qu'elle parut ressentir était de le faire souffrir. Tous ses instincts d'être jeune et bien portant se soulevaient contre l'inutilité de ses souffrances. Il s'enveloppa dans sa vieille pelisse de raton pelé et s'allongea sur le divan. Sous sa joue, il sentit un objet dur et bosselé. C'était un coussin que Zina avait brodé pour lui au temps de leur fiançailles. Le seul travail à l'aiguille qu'il lui eût jamais vu faire. Il le lança sur le plancher et appuya sa tête contre le mur. Ethan connaissait un jeune homme habitant l'autre versant de la montagne, à peu près de son âge, qui s'était évadé d'une vie comme la sienne en emmenant en Californie une jeune fille qu'il aimait. Sa femme avait divorcé. Il avait épousé sa compagne et il était heureux. L'été précédent, Froome avait rencontré le nouveau ménage à Shad's Fall, où il se trouvait en visite chez des parents. Une petite fille était née du mariage. Elle avait de jolis cheveux blonds et bouclés, et on l'habillait en princesse avec un médaillon en or autour du cou. La première femme du jeune homme n'avait pas mal réussi non plus. Son mari, en la quittant, lui avait laissé la ferme, qu'elle avait bien vendue, et le produit tiré de cette vente, joint à sa pension alimentaire, lui avait permis d'ouvrir à Bettsbridge un restaurant qui prospérait. Cette histoire revint soudain à l'esprit de Froome. Pourquoi, quand Mattie partait le lendemain, ne l'accompagnerait-il pas au lieu de la laisser s'en aller toute seule? Il cacherait sa valise sous le siège du traîneau. Zina ne se douterait de rien jusqu'au moment où elle monterait dans la chambre faire son somme au quotidien. À ce moment seulement, elle trouverait une lettre de son mari sur son lit. Il était encore à l'âge où l'acte succède aussitôt à la pensée. Il se remit sur pied, ralluma la lanterne et s'assit à son bureau. Il fouilla dans le tiroir, prit une feuille de papier et se mit à écrire. « Zina, j'ai fait pour vous tout ce que j'ai pu faire. et je ne vois pas à quoi cela a servi. Ce n'est sans doute pas de votre faute, et ce n'est certes pas de la mienne. Peut-être vaut-il mieux nous séparer. Je m'en vais dans l'Ouest, tenter la chance. Je vous laisse la ferme et la scierie. Vous pouvez les vendre et garder l'argent. » Sa plume s'arrêta sur ce mot, qui brutalement le ramenait à la réalité impitoyable. S'il donnait la ferme et la scierie à Zina, que lui resterait-il à lui-même pour se refaire une vie? Une fois dans l'Ouest, il était bien certain de trouver du travail. Seul, il n'eut pas craint de risquer l'aventure, mais avec Mathilde, la situation serait autre. Et quel serait, d'autre part, le sort de Zina? La maison et la scierie étaient hypothéquées jusqu'à la limite de leur valeur. Dans le cas déjà improbable, où elle trouverait acquéreur, il était douteux que sa femme retirât de la vente plus d'un millier de dollars. En attendant, comment pourrait-elle exploiter la propriété? C'était seulement par un labeur incessant et une surveillance personnelle qu'il arrivait, lui, à en tirer un maigre rendement, et même, en admettant que sa femme fût en meilleure santé qu'elle ne s'imaginait, jamais elle ne parviendrait à porter seule un pareil fardeau. Elle pourrait, il est vrai, rentrer dans sa famille. Elle verrait alors ce que ses parents étaient prêts à faire pour elle. C'était la solution qu'elle imposait à Mathie. Pourquoi ne pas lui laisser courir le risque elle-même? Lorsqu'elle aurait découvert où les amoureux s'étaient établis et qu'elle intenterait une action en divorce, il serait vraisemblablement en mesure de lui servir une pension alimentaire convenable, tandis que Mathie, chassée seule de la ferme, aurait bien moins de facilité à se tirer d'affaires. Il avait bouleversé son bureau en cherchant une feuille de papier. Comme il reprenait la plume, il vit au fond du tiroir un vieux numéro du Bettsbridge Eagle. La page des annonces était sous ses yeux et il y lut « Excursion dans l'Ouest, tarif réduit ». Il rapprocha la lumière et parcourut la liste des prix. Le journal lui tomba des mains. Il poussa loin de lui sa lettre inachevée. L'instant d'avant, il s'était demandé comment il vivrait, Mathilde et lui, une fois arrivé dans l'Ouest. Et maintenant, il se rendait compte qu'il n'avait même pas l'argent du voyage. Emprunter était hors de question. 6 mois auparavant, il avait donné sa dernière garantie pour obtenir les fonds nécessaires à la réparation de la scierie. Et il savait bien que sans garantie, il ne trouva personne dans Starkfield pour lui prêter 10 dollars. Les faits inexorables s'abattaient sur lui comme les mains d'un geôlier attachant les menottes à un forçat. Il n'y avait pour lui aucune issue, aucune. Il était prisonnier pour la vie. Et le seul rayon de lumière qui éclairait sa nuit était sur le point de s'évanouir. Il s'affala lourdement sur le divan. Tous ses membres étaient si lourds qu'il avait l'impression de ne plus jamais pouvoir les remuer. Des larmes lui emplirent la gorge et creusèrent un sillon brûlant jusqu'à ses paupières. Tandis qu'il demeurait ainsi, étendu dans l'obscurité, la fenêtre en face de lui s'éclaira peu à peu, encadrant un coin de ciel d'une clarté laiteuse. Une branche tordue s'y profilait, une branche de ce pommier sous lequel, en rentrant de la scierie, il trouvait parfois Mathie assise pendant les soirs d'été. Lentement, le voile des vapeurs pluvieuses prit feu et se déchira, et l'astre apparut, tout pur, suspendu dans la nuit bleue. Ethan se dressa sur le coude et regarda le paysage qui blanchissait peu à peu et arrondissait ses contours sous la sculpture de la lune. C'était cette nuit même qu'il devait, Mathie et lui, aller au village pour leur partie de luge. Et voilà que devant lui s'allumait la lampe qui les eût éclairés. Le cœur lourd, il contemplait les pentes lumineuses, les bois sombres auréolés d'argent, les collines nébuleuses se confondant avec le bleu violacé de l'horizon. Et il lui sembla que la nature étalait devant lui toute cette beauté nocturne pour mieux se jouer de son désespoir. Il s'assoupit. Lorsqu'il se réveilla, le froid de l'aube d'hiver emplissait la chambre. Il était gelé et courbattu. Il avait faim et en était honteux. Il se frotta les yeux et s'approcha de la fenêtre. Un soleil rouge paraissait à peine au-dessus de la morne étendue des champs gris. Contre son disque en feu, les arbres se dessinaient, noirs et grêles. « C'est le dernier jour de Mathie, » se dit-il, et il essaya de se représenter ce que serait la maison sans elle. Tandis qu'il demeurait ainsi, il entendit des pas derrière lui et Mathie entra. « Oh, Ethan, c'est ici que vous avez passé la nuit ?» Dans sa pauvre robe étriquée, la tête enveloppée de son écharpe rouge, sous la lumière blafarde qui accusait sa pâleur, Elle paraissait si maigre, si grelottante, qu'il ne trouva pas un mot à lui répondre. « Vous devez être gelé, » continua-t-elle, fixant sur lui des yeux là. Il fit un pas vers elle. « Comment saviez-vous que j'étais ici ?»« Je vous ai entendu redescendre l'escalier hier soir, et toute la nuit j'ai prêté l'oreille. Vous n'êtes pas remonté. » Toute la tendresse de Fromm reflua à ses lèvres. Il regarda Mathilde et lui dit « Je vais venir tout de suite allumer le feu de la cuisine. » Ils allèrent ensemble à la cuisine, et Ethan apporta le petit bois et le charbon. Puis il nettoya le fourneau. Pendant ce temps, Mathilde mettait sur la table le pot de lait et le reste froid du pâté. Lorsque la chaleur commença à monter du poêle et que le premier rayon de soleil s'allongea sur le plancher de la cuisine, les sombres pensées d'Ethan se dissipèrent dans la tiédeur environnante. La vue de Mathilde, vaquant à sa besogne comme il la voyait faire tous les matins, l'empêchait de croire qu'elle pût jamais cesser de partager sa vie. Il se disait qu'il avait sans doute exagéré la portée des menaces de Zina et qu'elle-même, avec le jour, deviendrait plus accessible à la raison. Se dirigeant vers Mathilde, qui était penchée au-dessus du fourneau, il posa la main sur son bras. « Il ne faut pas vous tourmenter, vous non plus, » dit-il, la regardant dans les yeux avec un sourire. Elle devint toute rouge et murmura « Non, Ethan, je ne me tourmenterai pas. Les choses s'arrangeront. » Un rapide battement des paupières fut la seule réponse qu'elle lui fit. Il continua « Elle n'a rien dit ce matin ?»« Non, je ne l'ai pas encore vue. » »« Ne faites pas attention à ce qu'elle pourra vous dire. » Ils se séparèrent et Ethan se rendit à l'étable. En sortant de la maison, il vit Jotham Powell qui montait la colline, dans la brume matinale. Sa vue ajouta au nouveau sentiment de sécurité d'Ethan. Tandis que les deux hommes nettoyaient les stalles des vaches, Jotham lui dit en s'appuyant sur sa fourche « Daniel Byrne doit aller aux Flats à midi. Il pourra emporter la malle de Mathilde. Ça nous gênerait plutôt dans le cutter quand je la conduirai à la gare. » Ethan lui jeta un coup d'œil stupéfait et Jotham continua « Mrs. Fromm m'a dit que je devais prendre la nouvelle servante à la gare des Flats à 5 heures et qu'en même temps je pourrais conduire Mathilde, de façon qu'elle puisse attraper le train de 6 heures pour Stamford. » Le sang d'Ethan bourdonnait dans ses tempes. Il lui fallut un moment pour retrouver la parole, puis il dit négligemment « Il n'est pas encore certain que Mathilde parte. »« Ah bon ?» répondit Jotham d'une voix indifférente, et ils se remirent tous deux à leur besogne. Lorsqu'ils rentrèrent dans la cuisine, les deux femmes s'étaient déjà attablées. Zina paraissait plus éveillée et plus active que de coutume. Elle but coup sur coup deux tasses de café et donna au chat les miettes du pâté. Puis elle se leva et, allant vers la fenêtre, enleva au géranium 2 ou 3 feuilles jaunies. « Ceux de tante Martha n'ont pas une feuille morte, mais voilà. Les plantes dépérissent toujours quand on ne les soigne pas, » dit-elle sur un ton pensif. Puis elle se retourna vers Jotham et lui demanda « À quelle heure Daniel Byrne passera-t-il » Le journalier lança un coup d'œil hésitant à Ethan. « Vers midi. » « Votre malle est trop lourde pour le cutter, » continua Zina en s'adressant à Mathilde. « Daniel Byrne la portera aux Flats. » « Je vous remercie, Zina. » « Il y a plusieurs choses que je voudrais passer en revue avec vous, » poursuivit-elle d'une voix impassible. « Il manque une serviette de grosse toile. » Et puis je me demande ce que vous avez pu faire du porte-allumette qui se trouvait toujours dans le parloir, derrière le hibou empaillé. » Elle sortit, suivie de Mathilde, et lorsque les hommes se retrouvèrent seuls, Jotham dit à Fromm « Vaut mieux laisser venir Daniel. » Ethan finit sa besogne accoutumée à la ferme et aux écuries, puis il annonça à Jotham « Je vais à Starkfield. Dites que l'on ne m'attende pas pour le dîner. » De nouveau, il se sentait pris d'une fièvre de révolte. Ce qui lui avait semblé incroyable à la lumière du jour était cependant en voie de réalisation, et il lui faudrait assister en spectateur impuissant au renvoi de Mathilde. Humilié dans sa fierté d'homme par le rôle qu'il était obligé de tenir, il se demandait avec amertume ce que Mathilde pouvait bien penser de lui. Tandis qu'il s'acheminait vers le village, des résolutions contradictoires se débattaient en lui. Il voulait faire quelque chose, mais ne savait pas encore ce qu'il ferait. Le brouillard du matin s'était dissipé, et les champs neigeux s'étendaient sous le soleil comme un immense bouclier d'argent. C'était une de ces journées où le sentiment du froid est adouci comme par une vaporeuse buée de printemps. Chaque pas sur cette route évoquait pour Ethan le souvenir de Matty. À toutes les branches nues se dessinant contre le ciel, et au fouillis roussâtre du talus qui bordait le chemin creux, flottaient les souvenirs de leur intimité passée. La roulade d'un oiseau dans un frêne au bord de la route résonna au milieu de l'air calme, comme le rire même de la jeune fille. Et le cœur d'Ethan se contracta, puis s'élargit à nouveau. Il sentit alors qu'à tout prix, il fallait agir. Soudain, il se dit qu'Andrew Hale avait le cœur généreux, et que peut-être il reviendrait sur son refus s'il apprenait que l'état de santé de Zina forçait les Froome à prendre une servante. Hale, après tout, était assez au courant de la situation d'Ethan pour que celui-ci pût, sans un trop grand sacrifice d'amour-propre, tenter une nouvelle démarche. Et d'ailleurs, dans ce drame passionné qui se jouait en son âme, de tels scrupules ne comptaient plus guère. Plus il songeait à son projet, plus celui-ci lui semblait réalisable. S'il pouvait parler à Mrs. Hale, il était certain du succès. Et avec $50 en poche, rien ne pourrait plus l'empêcher d'accompagner Matty. Pour le moment, l'essentiel était d'atteindre Starkfield, avant que Hale ne partît pour son travail. Froome savait que l'entrepreneur devait quitter le village de bonne heure afin d'aller surveiller une construction sur la route de Corbury. Les longues enjambées du jeune homme devinrent plus rapides à mesure que ses pensées s'accéléraient. Et comme il arrivait au pied de la montée de la schoolhouse, il vit au loin le traîneau du constructeur. Il hâta le pas, mais en approchant, il s'aperçut que le traîneau était conduit par le plus jeune fils de Hale. À son côté se trouvait Mrs. Hale, si emmitouflée qu'elle ressemblait à un gros cocon de chenille auquel on aurait mis des lunettes. Ethan leur fit signe d'arrêter, et Mrs. Hale se pencha vers lui, souriant de toutes ses bonnes rides roses. « Mr. Hale, je crois bien. Vous le trouverez à la maison. Il n'est pas à son travail ce matin. Il s'est réveillé avec un peu de lombago, et je viens de lui poser un des emplâtres du docteur Kidder, en lui recommandant de ne pas quitter le coin du feu. » Jetant un regard maternel sur Froome, elle se pencha davantage pour ajouter « Mr. Hale vient justement de m'apprendre que Zina a été à Bettsbridge consulter un nouveau médecin. Je suis vraiment désolé qu'elle soit toujours aussi souffrante. J'espère que le docteur Buck lui fera du bien. Je ne connais personne dans le pays qui était plus éprouvé que Zina. Je dis souvent à mon mari que je ne sais pas ce qu'elle serait devenue si vous n'aviez pas été là. Je le disais déjà autrefois à propos de votre mère. Vous avez toujours eu la vie bien dure, mon pauvre Ethan. » Elle le salua d'un dernier petit signe de tête amical, tandis que son fils encourageait le cheval de la voie. Ethan demeura au milieu de la route et regarda le traîneau s'éloigner. Il y avait longtemps qu'on ne lui avait pas parlé avec autant de bonté. La plupart des gens étaient indifférents à ses soucis, ou enclins à trouver tout naturel qu'un jeune homme de son âge eût porté sans murmurer le fardeau de 3 existences abortées. Mais Mrs. Hale lui avait dit « Vous avez toujours eu la vie bien dure, mon pauvre Ethan. » Et il se sentait moins isolé dans son malheur. Puisque les Hale le plaignaient, il répondrait sûrement à son appel. Il se remit en marche, mais au bout de quelques mètres, le sang lui monta brusquement au visage. Pour la première fois, à la clarté des mots qu'il venait d'entendre, il discernait nettement ce qu'il était sur le point de faire. Il était parti de chez lui avec l'intention de profiter de la sympathie des Hale pour leur soutirer, sous un faux prétexte, l'argent qui lui permit d'enlever Matty Silver. C'était là la raison secrète qui l'avait conduit à Starkfield. Il perçut brusquement l'extrémité à laquelle sa folie l'avait porté, et aussitôt la folie tomba, et sa vie lui apparut telle qu'elle était réellement. Il était un homme pauvre, le mari d'une femme malade, que son abandon eût laissé seul et sans ressources, et même, s'il avait eu le cœur de l'abandonner, il n'eût pu le faire qu'en abusant de braves gens, qui lui avaient témoigné de la sympathie. Il rebroussa chemin et reprit lentement la route de la ferme.